Les Nuits Terribles, par Alphonse Brault. Première série, le crime de la Duchesse. Troisième partie, le breuvage qui fait parler. Chapitre 1er, un revenant de l'autre monde. Les nombreux promeneurs qui, pendant la belle saison, suivent l'avenue de l'Impératrice pour aller au bois de Boulogne, rencontrent sur leur droite, à mi-chemin, un charmant hôtel du meilleur style Louis XIV, en partie caché, comme un nid de fauvette, parmi de verts ombrages. Sur le devant de cet hôtel s'élèvent de petits pavillons en briques rouges, séparés par une grille en fer doré du plus beau travail. Au milieu de cette grille, une porte magistrale, également en fer, donne accès aux voitures. Sur les deux côtés, près des pavillons, sont deux portes de service de dimension réduite. Cette résidence féerique, de construction récente, avait abrité, à diverses époques, des hôtes illustres, quoiqu'à des titres différents. Ainsi, en 1867, lors de la grande exposition qui marqua l'apogée du Second Empire, une tête princière l'avait occupée pendant quelques mois. Plus tard, une actrice renommée pour ses diamants y pendit la crémaillère de la haute galerie parisienne. À cette princesse de la rampe succéda un coulissier transformé du jour au lendemain en millionnaire et qui, peu de temps après, à la suite d'un coup de bourse mal combiné, gagna précipitamment les frontières de la Belgique afin de sauver sa caisse. Vers la fin du mois d'août 1874, cet hôtel était devenu la propriété de Sir John Colfax. Le riche Américain avait résolu, après la mort de Miss Mary, de quitter son pays qui lui rappelait de trop cruels souvenirs et Flavia, tout entière à ses projets de vengeance, l'avait facilement décidé à venir en France. Il avait cédé au vicomte Kerlusset, moyennant une énorme redevance annuelle, l'exploitation de son puits et il était parti avec sa fille adoptive. Trois mois avant son arrivée à Paris, Sir John Colfax, à la recommandation du vicomte, avait chargé le notaire La Carrière de lui acheter et de lui préparer un gîte digne de son immense fortune. Il lui avait fait ouvrir en même temps un crédit de 3 millions chez Rothschild pour se venir aux frais de son installation. 2 millions étaient destinés à l'acquisition de l'hôtel, le troisième au mobilier et aux divers détails de l'aménagement. Le notaire La Carrière, peu expert en ces dernières matières, avait confié à Salavert, notre ancienne connaissance du dîner chez Brébant, devenu son maître clerc, le soin de remplir cette mission délicate. Ce choix était excellent, car Salavert, tout clerc de notaire qu'il était, s'entendait à merveille aux choses de la vie. Il avait acquis, dans sa fréquentation avec les artistes et les journalistes, certaines connaissances spéciales qui faisaient complètement défaut au brave La Carrière, véritable tabellion de l'Ancien Régime. Le notaire avait donné carte blanche à son maître clerc. « Faites pour le mieux, lui avait-il dit, vous avez 1 million à dépenser, ne le dépassez pas. » On peut tout à Paris avec de l'argent et Salavert s'était montré à la hauteur de son mandat. Aussi, lorsque la richissime Yankee entra dans son immeuble, le 16 octobre 1874, trouva-t-il tout fait et bien fait. Deux valets de pied, remarquables par leur cachet aristocratique, attendaient, l'intendant de l'hôtel en tête, leur nouveau maître, et faisaient quand la porte d'honneur s'ouvrit pour lui donner passage. Dans l'un des pavillons, un gaillard d'une stature colossale était préposé au cordon. Dans l'intérieur du sous-sol, un maître cook, qui avait fait ses preuves chez plusieurs ambassadeurs étrangers, surveillait les fourneaux en compagnie de jeunes marmitons d'une propreté irréprochable. John Colfax avait à son bras une jeune femme dont le visage était entièrement caché sous un voile. Derrière elle était une négresse de 17 à 18 ans qui résumait en sa personne toutes les beautés de la race noire. Elle tenait en laisse un magnifique terre-neuve. L'intendant présenta à Colfax, les uns après les autres et suivant les règles exactes de la hiérarchie, ses différents subordonnés. Cette revue du personnel terminée, on passa dans un salon vestibule où attendait un personnage habillé de noir et cravaté de blanc. Ce personnage était le maître clerc du notaire La Carrière. Lorsque Sir John Colfax parut avec sa jeune compagne, Salavert s'inclina avec déférence. « Si vos seigneuries ne se ressentent pas trop des fatigues de leur voyage, dit-il, je leur montrerai les pièces principales de l'hôtel. Nous vous suivons, répondit l'Américain. Salavert jeta un rapide coup d'œil sur la jeune compagne de Sir Colfax, mais il en fut pour sa curiosité, car le voile qu'elle portait était impénétrable. il prit les devants et il les conduisit dans les divers appartements. Le goût le plus parfait avait présidé à leur aménagement. Les deux salons du premier étage communiquaient entre eux par des glaces en tin qu'un bouton dissimulé dans les boiseries faisait tourner sur des pivots invisibles. Bronze, lustre, tenture, tapis de buisson, plafond peint par des artistes en renom, tout indiquait ce luxe de bon aloi qui alla pour collaborateur. La salle à manger, ni trop grande ni trop petite, était un véritable poème cinégétique. La boiserie en vieux chêne sculpté, avec encadrement d'ébène, contenait dans les médaillons des panneaux des natures mortes dues au pinceau de Degoff. Sur les côtés, deux immenses dressoirs étaient chargés de pierres d'argenterie sortant des ateliers d'Odio. L'Américain et la jeune femme voilée passèrent cette inspection avec le flegme le plus anglo-normand. Aucun signe d'approbation ou d'approbation n'avait traduit leurs impressions. Salavert, désappointé, se demandait si ces sauvages cousus d'or possédaient les lumières suffisantes pour distinguer les merveilles de l'art avec les produits banals de la pacotille. Il regrettait tout bas de s'être donné tant de mal pour d'aussi piètres connaisseurs. On était arrivé à l'appartement destiné à la compagne de Sir John Colfax. « Voici l'appartement de madame, » dit le maître clerc avec une certaine emphase. « Madame, non, » repartit d'un ton bref le riche Yankee, « mademoiselle est ma fille. » Salavert s'inclina respectueusement. Quand l'inspection fut achevée, il demanda à un nouveau propriétaire si ses intentions avaient été bien comprises et s'il était satisfait. « C'est vous qui avez dirigé les travaux de l'installation, » dit Sir John en regardant le maître clerc à travers son monocle. « C'est moi, » répondit-il avec une modestie qui n'était pas exempte d'orgueil. « Voici un chèque de 40 000 francs pour vos honoraires, » continua Colfax en tirant de son portefeuille un papier qu'il tendit à Salavert. Salavert écarqua les yeux, prit le précieux chiffon de papier et le serra dans la poche de son habit d'un air tout radieux. « Un acompte sur le prix de ma future étude, » pensa-t-il, « une dizaine d'aubaines comme celle-ci et... » Un valet de pied qui entra coupa le reste de sa phrase. Ce valet de pied portait sur un plateau d'or 3 cartes de visite. « C'est pour vous, cher, » dit l'Américain à sa compagne après les avoir regardées. La jeune femme les prit à son tour et lut à haute voix les 3 noms suivants. Maxou, avocat, Cavarox, docteur en médecine, Martineau, journaliste. Salavert, en entendant prononcer ces 3 noms, dressa la tête avec stupéfaction. « J'ai envoyé ce matin, » dit la dame voilée à Sir John Colfax, « une invitation à dîner à ces messieurs, et ils sont là. » L'Américain fit un signe de tête approbatif. « Vous voudrez bien être des nôtres, n'est-ce pas, monsieur » continua-t-elle, en se tournant vers le maître clerc de plus en plus abasourdi. Salavert, qui se disposait à se retirer, la regarda avec des yeux effarés. « Conduisez monsieur dans le petit salon, » dit-elle au valet de pied. Salavert salua de l'air d'un homme qui écoute une charade dont il ne connaît pas le premier mot, et il suivit le valet. Sir John prit alors les mains de celle qu'il avait appelée sa fille devant le maître clerc. « Vous avez voulu venir à Paris, mon enfant ?» lui dit-il, « et nous y voici. Êtes-vous contente de moi ?»« Vous êtes bon comme Dieu, » répondit-elle. « Vous avez épousé ma cause. » Vous vous associez à l'œuvre de réparation que je vais entreprendre, maintenant je suis certaine d'atteindre mon but. Et une fois votre vengeance accomplie, vous serez complètement et véritablement ma fille, n'est-ce pas? Oui, votre fille, car le spectre du passé ne viendra plus se placer entre vous et moi, répliqua Flavia en baisant les mains de son père adoptif.